On va sortir rapidement de cette première thématique avec vous, Président Mandakani. On arrive dans la conclusion que Davos, c'est finalement un passé dépassé. Je pense qu'ils ont dit un passé vraiment dépassé. Je salue la Mandin qui nous a rejoint avec sa mémoire phénoménale. Donc je voudrais, à la suite du docteur Douma, dire que prendre à partir de ce qu'a dit Mandin sur la perte d'influence, le fait que, parlons comme ça, entre guillemets, les rats quittent le navire, les rats quittent le navire, parce que pourquoi? Comme il a dit hier, Davos c'est l'antichambre du gouvernement mondial qu'on se prépare à nous imposer. C'est là-bas qu'on concoctait ça, on préparait ça. Antichambre, c'est une escroquerie qu'on appelle société civile, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Tous les dirigeants fabriqués par le super loge, vous voyez qu'on parle souvent de ces choses, les gens disent qu'on bavarde. Le livre est maintenant dehors, les super loges, écrit par un ancien des super loges, a dit la coordination de toutes les loges du monde, y compris le Vatican, toutes vos religions, là, tout ce marché, y compris les religions traditionnelles. Comment on coiffe ça au niveau mondial? On coiffe ça au niveau mondial pour préparer ce gouvernement mondial qu'on voulait nous imposer. Mon cher Wafo. Alors, ce gouvernement mondial, ces gens-là, à travers le forum de Davos, entre autres, ont comme organisation la Club Bilderberg, la Chatham House, qui est devenue le Conseil of House, of Council, le Conseil of... On appelle ça Foreign Relations Council aux États-Unis, là. La grande organisation, entre guillemets, aux États-Unis, la Banque mondiale, le FMI, comment est-ce que les gars géraient ça? Donc maintenant, le livre est dehors, on peut le lire maintenant. Tout est clair, tout est clair. Donc, Klaus Schwab, qui est un mondialiste de haut niveau, et qui est un nazi, qui est un nazi, qui est un nazi, hein. C'est même généalogique, pour lui c'est même généalogique, qui est un nazi, donc professeur, n'est-ce pas, cette thèse-là, mondialiste, voulant imposer un gouvernement mondial. C'est là-bas qu'ils ont préparé le Covid, tous ces trucs-là qu'on nous a imposés. Et depuis que certains se rendent compte que, non, en fait, ça commence à rester un simple clope occidental, et même pas tout l'Occident, depuis que, d'abord depuis la guerre en Syrie, l'échec du Covid, avec toutes les révélations qui sortent, et maintenant la décision de la Russie de mettre fin à cette affaire, hein, en déclenchant l'opération spéciale, c'est la débandade totale. La débandade totale. Bon, les gardiens du temple, les forcenés, s'accrochent, ils disent que bon, le bateau coule, le coule, mais bon, nous sommes des capitaines de bateau, on est devant, on ne bouge pas. Donc ils sont des forcenés, comme les cloches, c'est un malade mental, hein. Continuent à faire leur agitation et tout, et tout. C'est terminé. C'était l'endroit où on avait, comment dire ça, on dissolvait la souveraineté des États-nations, pour remplacer ça par justement ce gouvernement mondial et cet État mondial, cette nation, ce type de nation qu'ils avaient conçu, à savoir des nations entre guillemets intelligentes, c'est-à-dire complètement digitalisées, des êtres humains totalement digitalisés. Ils ont appelé ça la transhumanisation, des villes totalement digitalisées, n'est-ce pas, avec une économie où l'économie dans le contrôle total d'une ce que Poutine appelle le milliard d'or, mais en réalité de quelques figures, ces grandes familles-là, elles-mêmes travaillant pour le compte de ce qu'ils appellent eux-mêmes la bête de l'événement qui est leur père. C'est eux qui ont dit, hein, c'est eux qui ont dit. Ils ne cachent même pas. Donc, vous voyez que ce n'est pas un jeu. Vous voyez un forum qui est devant vous, les gens se réunissent, ils font semblant d'être sérieux, ils font le cinéma, mais en réalité, ce sont les fils du diable. Il faut les appeler comme ils sont. Dans d'autres traditions, on qualifie le diable par d'autres noms, mais ce sont les fils du diable. Ils préparent son avènement, sa prise de contrôle sur l'humanité. Ils l'ont dit clairement, c'est clair, c'est net. Allez lire le livre de la super loge. Hein. Vous allez voir de quoi est-ce qu'on parle. Ce n'est pas la blague. Ça éclaire tout le processus. Donc nos dirigeants, c'est que nos dirigeants vont accepter ça. Quand vous regardez comment, à travers le Covid, on a pu mettre le monde entier sous mesure barrière, posez-vous les questions, Julien. Comment ça peut se faire? Tous les États, à quelques exceptions près, ont accepté les mesures barrières. Vous voyez à quel niveau le projet est avancé? Très avancé. Très avancé. Très avancé. C'est le vrai Dieu, comme moi je l'appelle souvent, qui a inspiré quelques-uns, qui a inspiré la résistance pour faire échouer ce projet. Et le cantonais, là où il doit rester. Tu sais que l'on criait. Et même là-bas, ça craquelle de partout. Ça craquelle partout. Les peuples se réveillent, les gens dénoncent. Ils répriment la liberté. Ils freinent de quatre pieds, mais les vérités sortent dehors. Ils ont tué les gens. Le Covid était une stratégie pour tuer les gens. Ce sont des criminels. N'aie pas peur des mots. Personne, les gens qui vont à Davos là, ne méritent aucun. Ce sont des criminels. On va les arrêter, les juger. Parce qu'ils se sont assis. Ils tuent les gens depuis, mais le complot suprême, c'était le Covid. Et on les a, là, à Djawala, on les a pris, on les prend main dans le sac. Ils ont inventé une pandémie, créé un nommé vaccin, une substance, qui est une thérapie, j'ai dit, parce qu'il faut nous transformer complètement. Il faut nous robotiser, nous lobotomiser en nous robotisant. Comme ça, tu es chez toi, on te manipule par, à distance. À distance, à travers une puce que tu as dans ta main. Qui va refaire tout ton système génétique. Mais tout ça, c'est interdit par tous les traités du post-guerre mondiale, etc. Tout ça, c'est interdit. Ils ont détruit les droits de l'homme, détruit la souveraineté, ils ont tout détruit. Ils ont fait un complot mondial visant à exterminer la population. Et ceux qui vont s'asseoir à Davos, ils se nomment les dirigeants du monde. Mais Schwab, il dirige quel monde? Ouais, tu comme ça, avec sa tête de nazi, il peut diriger le monde. Il dirige le monde. Tous ces dirigeants-là, ouais, dirigeants du monde. Des pantins manipulés par leur père, se livrant à toutes sortes de pratiques sataniques, des gens complètement écervelés, qui n'ont du même que l'apparence. Et voilà que c'est Davos. On veut gouverner le monde. Et maintenant, c'est la débandade. C'est pas le projet il a totalement échoué. Sans cela, les explications de Mandin, de Dr Douma, le projet a totalement échoué. Et nous sommes heureux, vivement, n'est-ce pas, travailler à la reconstruction d'un monde nouveau. Où les vraies valeurs divines vont inspirer des paradigmes à tous les niveaux pour créer un monde de fraternité, n'est-ce pas, avec des humains qui se donnent la main pour régler leurs problèmes. Merci à vous, Président Manaka. Afrique Média, le monde, c'est nous.